Ce vendredi à la vie en BD, Matt Hordog et ses pieds palmés. On parle également avec l'auteur belge en résidence à Québec, Jean-Luc Cornette, et plus sur les ondes du 89.1. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour cette heure consacrée au 9e art. Et on portera quelques regards sur, justement, des intervenants du 9e art au fil de cette émission. Tout particulièrement en deuxième partie, puisqu'il y a un auteur qui est en résidence à Québec depuis déjà le mois de mars, quand même, le fin mars ou début mars. Alors Jean-Luc Cornette, scénariste qui vient ici travailler sur un projet de BD qu'il a scénarisé et dessiné. Alors on parlera avec lui évidemment de son travail de résidence, mais aussi de manière plus large de son travail de scénariste et aussi de sa toute dernière BD qui a été publiée, une BD sur Frida Kahlo qui l'a offert, donc je crois c'est en cours d'année dernière. Alors, donc, ce sera un plaisir, évidemment, d'échanger avec lui au fil d'une bonne trentaine de minutes. En première partie d'émission, il y a un auteur de Québec qui a sorti une BD du côté des éditions Michel Quintin qui s'appelle Les Pieds Palmés. Donc, premier tome, première offre de cette série à caractère jeunesse. Alors, on en parle avec lui dans quelques instants. Question de tout savoir sur la jeunesse et la nature de ce projet. Et sinon, bien évidemment, on se proposera aussi quelques commentaires BD en cours d'émission. Dans l'actualité, sinon, cette semaine, il y a eu les prix Doug Wright qui ont été remis il y a quelques temps déjà. Ça a été remis dans le cadre des Toronto Comic Arts Festival et c'est Nina Bunjevac qui a remporté le prix Meilleur Livre pour son Fatherland, publié chez Random House. Le prix Projecteur ou Spotlight en anglais a été pour sa part remis à Megs Fitzgerald pour Photobooth Biography qui est publié chez Conundrum Press. Et enfin, le prix Pigskin Peters a été remis à Connor Williamson pour son Swine's Prison. Et tel qu'annoncé également précédemment, le dessinateur éditorial Merle Thingley a été intronisé au Canadian Cartoonist Hall of Fame, reconnu comme le doyen des dessinateurs éditoriaux canadiens. On rappelle que ses dessins ont été offerts dans la Ontario Free Press de 1948 à 1986, des dessins éditoriaux qu'il a diffusés très largement d'ailleurs à travers le Canada. Autre grosse nouvelle qui a été publiée en lien avec l'univers de la bande dessinée, ça a été relayé un peu plus tôt même par Dargaud. Alors Luc Besson va adapter la série Valériane de Jean-Claude Mézières et Pierre Christin pour le grand écran. Donc c'est ce que le cinéaste qui a déjà travaillé aux côtés de Mézières, rappelons-le pour le cinquième élément, a annoncé sur son compte Twitter qui a ouvert un peu plus tôt cette semaine. Il a dit, ben voilà, c'est mon premier tweet et j'en profite pour annoncer une grosse nouvelle. J'adapterai donc Valériane. Le film s'appellera Valériane and the City of a Thousand Planets. Et ben côté casting, on rapporte que Claire Delevingne, qu'on verra bientôt dans Suicide Squad, et Dane DeHaan, qui jouait Harry Osborn dans The Amazing Spider-Man, vont être au casting, vraisemblablement, évidemment, dans les traits de Laureline et Valérian, les deux agents spatiaux temporels chargés de maintenir la paix dans Galaxy. Sinon, peut-être dernier petit notule, deux derniers petits notules, tiens, allons-y, avant de passer en musique. Tout d'abord, au début de l'automne 2015, DC Entertainment, Warner Bros. Animation et Mattel vont s'associer pour lancer un nouvel univers de DC Comics qui va s'appeler DC Super Hero Girls, un univers conçu spécialement pour les filles de 6 à 12 ans qui prévoit du contenu digital, télé, vidéo, du jouet, du textile, bref, la totale. Alors, on essaiera de mettre de l'avant les super-héroïnes et les super-vilaines de l'univers DC, donc Wonder Woman, Supergirl, Batgirl, Harley Quinn, Bumblebee, Poison Ivy, Katana et autres. Et celles-ci vont être décrites comme adolescentes lors de la année de formation pendant lesquelles elles cherchent à découvrir l'intégralité de leur super pouvoir. Alors, on verra si ça sonnera le détournement commercial pour essayer de développer un nouveau pan de marché qui n'est pas nécessairement intéressé par l'univers des super-héros ou si ce sera quelque chose de qualité. Et ça, ben seul l'avenir nous le dira. Et dernier notule, simplement pour vous le mentionner, c'est relayé sur la page Facebook d'ailleurs de La Vie en BD, Facebook.com patreon.com/lavieenbd. En attendant la sortie de l'album le 30 septembre prochain, on peut découvrir la couverture du prochain Corto Maltese sous le titre « Sous le soleil de minuit ». Alors, 20 ans après la disparition du groupe Pratt. Alors, de quoi peut-être meubler l'attente en route justement vers la sortie de l'album? Alors, le lien est sur le Facebook de l'émission. En musique, cette semaine, on reste dans la 8-bit avec l'album Cursed Galaxy de Murashka. On écoute un premier extrait qui s'appelle Precept. J'en profite également pour vous rappeler que l'ensemble des émissions de La Vie en BD sont disponibles en balado-diffusion. Vous pouvez aller les chercher sur lavieenbd.wordpress.com. Et tel que mentionné en début d'émission, donc nouvelle BD qui vient d'arriver du côté des éditions Michel Quintin. Première publication d'un auteur de Québec qui s'appelle Matt Ordog. La BD s'appelle « Les pieds palmés, les terres arides ». Alors Matt Ordog, bonjour. Bien le bonjour. Alors peut-être d'emblée, je te laisserais peut-être présenter. Enfin, on est dans un univers animalier. Dans un univers d'une BD d'aventure quand même assez classique, somme toute, là, en termes de structure. Absolument. Ben, on s'arrange pour faire ce qui nous plaît et ce qu'on aimerait lire. Alors, Les pieds palmés correspond à une BD que j'aurais aimé lire gamin, vers 10-12 ans, de me replonger aussi dans ces années-là, les années de découverte de la bande dessinée. L'animalier est un domaine, un genre que j'apprécie particulièrement. Rapproche un petit peu du micro, en fait. Comme ceci? Oui, parfait. OK, donc, c'est ça. L'animalier, c'est un genre que j'affectionne particulièrement. J'ai toujours été attiré vers ce type de bande dessinée-là. Quand j'étais jeune, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez, de la BD animalière. De toute façon, je dessine des bestioles depuis toujours. Alors, on y va avec les forces, comme on dit, puis on mise un peu là-dessus aussi. Je sais pas, il y a quand même comme quelque chose dans l'animalier, autant dans le côté classique que dans le côté aussi expressif autour des idées qu'on a par rapport au caractère des animaux, notamment. Ben, c'est ça. C'est que déjà, en fonction de la personnalité de l'espèce de l'animal, t'as déjà un caractère qui est déjà campé en partant. Si tu choisis un personnage qui va être un rat versus un mouton, un éléphant, c'est pas la même chose. Il y a, au niveau de la personnalité, ben c'est ça. Il s'agit de jouer avec les archétypes. C'est déjà grossi en partant. Donc, pour quelqu'un qui aime la caricature, l'humoristique, l'animalier permet de ce genre de jeu-là, avec la personnalité. Puis avec l'avion, en fait, on est un peu dans la référence d'enfance, mais avec l'avion, avec les canards qui est un peu là-dedans, les pieds palmés, évidemment, le nom le dit, eh bien, on a un petit côté DuckTales aussi, Picsou, etc. Oui, absolument. Je suis pas un grand fan de la bande à Picsou, la série qui jouait quand on était jeune. J'ai découvert les Picsou sur le tard, là, vers 35 ans, mais particulièrement avec Don Rosa. Il y a eu les Darkwing Duck qui sont ressortis. Oui. Et puis, j'ai toujours aimé Daffy, Donald. Et puis là, je me suis mis à regarder les canards. Puis je me suis dit, mais il me semble que c'est toujours des personnages qui ont un fort caractère. Ils ont toujours une personnalité assez extravertie, très fonceur, mais un petit peu malhabile, gaffeur. Donc, pour ce qui est de l'humour, je trouve que le canard est un animal intéressant, visuellement appealing aussi. Sont toujours très très chouettes. C'est dur de faire un personnage de canard qui est pas beau. Mais donc, c'est ça. C'est, tu t'es lancé avec les canards. Oui, oui, oui. Mais vraiment, c'est... suite à une lecture approfondie, pourrais-je dire, de plusieurs bandes dessinées de canards. Mais je pense que tout part de Donald Duck. Là, c'est un peu le grand-père de tous les canards. Là. Bon, il y avait eu Gédéon avant lui, là, qui venait de France, mais c'était un petit peu plus soft. Mais je pense que dans tous les personnages de canards, de... américain, là, je trouve qu'il y a toujours un petit quelque chose de Donald Duck. Et évidemment, il y avait l'idée de faire des personnages animaliers. Il y a eu l'idée des canards, justement, comme personnages principaux. Et comme personnages principaux, tu as choisi, justement, de développer un adulte avec deux plus jeunes. Il a fallu, j'imagine, aussi développer leur personnalité, s'assurer que ces trois-là, ce trio-là, aient une belle chimie qui puisse se transposer sur les planches. Oui, ben, ce que j'aimais avec ça, c'est l'idée de la famille. C'est un peu comme une famille monoparentale reconstituée. C'est pas leur père, c'est tout simplement une espèce de vagabond solitaire qui se ramasse avec deux jeunes. Donc déjà là, ça, en partant, je trouvais que ça pouvait... Imaginons Clint Eastwood qui se ramasse avec deux enfants, ce qui peut donner lieu à toutes sortes de situations amusantes. Mais c'est ça, l'idée de la famille, le père avec deux enfants, garçon, fille, encore là, c'est je pense que c'est le pire combo que tu peux pas avoir pour un frère, deux jeunes enfants, une grande sœur avec le petit frère fatigant. Parce que je trouve que c'est ça, dans la BD d'aventure, bon, tu vas avoir un duo, deux adultes, deux hommes. Le couple n'est pas beaucoup exploité dans la bande dessinée. Il n'y a pas beaucoup de couples qui vivent des aventures. La famille également. Oui. Fait comme que ça, j'imagine que si on y va avec aussi, on se dit, bon, on s'adresse à la fois à l'électorat plus âgé, à l'électorat plus jeune, mais tout le monde peut s'y reconnaître un peu aussi avec une équipe comme celle-là. Exactement. Je m'amuse beaucoup justement avec les différences de perception d'un adulte versus celui d'un enfant. L'enfant ne sera pas toujours conscient du danger, des répercussions de... Alors que l'adulte va être beaucoup plus terre à terre. Donc, ça. Et puis, justement, pour les lecteurs, bon, ça s'adresse aux enfants. Généralement, c'est les parents qui vont acheter le livre. Donc, s'arranger pour qu'il y ait un petit peu de quoi pour tout le monde dans tout ça. Là. Le parent qui va lire ça avec son enfant, ah, OK, il va accrocher sur tel gag, l'enfant sur d'autres. Bon, c'est classique en bande dessinée, oui. Là. En fait, c'est, on est un peu, et on le disait dès le départ, en fait, c'est une aventure, une BD d'aventure vieille école, un peu. Oui. Mais faite à l'époque moderne. Donc, il y a vraiment aussi ces deux niveaux. Il y a les jeux de mots, il y a les gags, justement, comme tu disais, pour les adultes, le côté un peu absurde. Il y a les éléments aussi qui vont plaire aux enfants, les gags, le ton, les épisodes. C'est une BD qui va, ça se déroule quand même assez vite aussi. C'est un feu roulant d'événements qui sont confrontés, auxquels cette famille-là, si on peut dire, est confrontée au fil de son périple en avion. Oui, absolument. Tu parlais de rythme. Moi-même, je me suis demandé en la faisant si c'était pas un petit peu trop précipité. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de temps mort. Bon, il y a un petit moment d'accalmie. Peut-être que ça pourrait respirer plus, mais en même temps, je me suis dit, bon, ben tant pis, au moins, ben, ça fera une bande dessinée qui est non-stop puis dont le lecteur va avoir de la misère à décrocher ou s'arrêter là. Oui, parce qu'en même temps, il y a comme la dynamique dans Les Pieds Palmés, t'établis des personnages, c'est la première proposition, t'établis un univers aussi, évidemment, parce qu'il y a un motif derrière la quête, et de temps en temps, justement, entre les différents épisodes d'action, des épisodes un peu plus d'exposition, où on explique où on se trouve, c'est quoi l'enjeu, c'est quoi les mythes, si on peut dire, autour de ce monde-là. Ben c'est ça, il y a une grande quête qui pourrait s'étendre sur 50 tomes, mais c'est ça, chaque numéro, bon, nous présente un petit microcosme dans ce grand univers. Puis, ben, il y a le côté social, là, qu'ils vont rencontrer certains personnages. Bon, OK, eux ont toute autre façon de vivre. Ils vont les découvrir, ils les connaissent. Puis ensuite, ils partent, ils vont en rencontrer d'autres. Puis ça permet, dans le deuxième que je suis en train de, sur lequel je suis en train de travailler, rencontre une tribu qui a une façon de vivre et qui vit des problèmes tout à fait différents que le peuple qu'il rencontre dans le premier tome. Donc ça, je trouve ça le fun, là, d'exploiter différents archétypes sociaux et de les transposer dans un univers animalier sans nécessairement qu'on puisse nommer « Ah, ça, c'est telle tribu ». Ça permet de mélanger toutes sortes de choses, toutes sortes d'obsessions. Là. Donc, c'est un peu au gré de tes lectures, d'une certaine façon. Tu vois un élément qui est plaisant, tu le gardes en note, tu le gardes en tête, puis quand vient le temps, justement, de développer le scénario, exemple des Pieds Palmés, peut-être cette idée-là pourrait s'insérer, ça pourrait être un des épisodes. Tu pars un peu avec une liste d'épicerie, à la limite? Oui, absolument. Ben c'est ça. Là. mon monde est un grand terrain de jeu où tout est possible, justement. Puis le fait qu'il voyage, ben, permet de pas faire du surplace, justement. C'est pas une histoire de OK, on se lève, on est toujours à la même place. Toujours des nouveaux problèmes, des nouveaux ennemis. Mm-hmm. Et de belles résolutions en bout de ligne. Oui, puis des résolutions aussi, parce qu'on parlait du côté humoristique, des résolutions qui, à la limite, font un petit clin d'œil aussi au motif classique. Ça s'envolait un punch, mais je pense que ça donne bien le ton de la série. Il y a un moment donné où ton trio de canards, justement, est en problème, doit réussir à grimper un mur. Ils ont pas d'échelle, ils ont rien. Puis on dit, ben OK, ben on est quand même des canards, là, on peut voler. Ben c'est ça, il y a un petit jeu avec le code. Là, on parlait des canards classiques, là, c'est que c'est pas des canards, dans le fond, c'est juste, ils ont le look d'un canard, mm-hmm. mais c'est des men in a suit, qu'on pourrait dire. C'est tout simplement des humanoïdes. Donald Duck, il mange du poulet. Imagine-toi donc, ça a pas de bon sens, ça, là. Ça marche pas du tout, puis il va avoir des petits oiseaux dans les arbres qui, eux, ne parlent pas. Fait que ça m'a permis de jouer avec ça. Ce gag-là, en passant, il m'est venu au moment de faire la page. J'avais pas pensé. À l'origine, il grimpait dans l'échelle, justement, comme... Un bipède normal aurait fait, mais là, tiens, je me suis dit, ah, ben là, c'est des canards, justement. Puis, fait que là, bon, là, ça peut fitter, OK, c'est des canards. Va juste falloir que je pense que j'ai toujours ça en tête maintenant et que je justifie le fait qu'ils ne peuvent pas s'envoler. D'ailleurs, j'ai trouvé une petite twist vers la fin pour ça, mais on la dévoilera pas en onde. Et évidemment, multiplicité de rencontres implique aussi une multiplicité de créatures, de vilains. Il y a quand même une belle galerie aussi des brigands, des robots, des scientifiques fous, des robots géants, des robots plus petits. C'est vraiment, encore là, il y a une belle galerie. J'imagine qu'il y a eu un beau travail de délire, à la fois un beau travail de recherche aussi pour trouver une manière de les amener, de les monter, de les bâtir pour que ça soit cohérent aussi. Ben c'est ça, c'est... À chaque fois que tu te lances dans une nouvelle série, ben en tout cas moi, tu dis bon, mettons que ce serait ma dernière ou ma première dans le fond. Là, qu'est-ce que j'aimerais vraiment lire? Fait que c'est un mélange de toutes sortes de choses qui t'intéressent. C'est du classique justement, mais là où se trouve l'originalité, je pense, que ce soit cette série-là ou n'importe quelle autre, c'est comment tu agences mm-hmm. tout ça, comment tu joues. Avec les codes et... Avec les pièces du cassette que tu te donnes, finalement. C'est ça. J'ai jamais tant trippé sur les gros robots, mais je me rappelle pas pourquoi j'ai voulu mettre des robots là-dedans. Je pense que c'est le côté aspect futuriste, là, espèce de monde en catastrophe, là, presque post-apocalyptique. Je joue beaucoup sur l'opposition, la nature, la technologie. Oui, puis je trouvais que ça permettait un jeu d'échelle aussi, dans la mesure où on n'est pas toujours au niveau du sol. Et donc, ça permettait de se retrouver avec une scène d'action au niveau des airs, avec un monstre qui est plus gros que l'avion, etc. Donc, un jeu d'échelle, comme tu disais aussi. Oui, c'est ça. Puis aussi, ben, c'est un espèce... Parce que, bon, il y a des bons, il y a des méchants, mais ces gros robots-là sont la menace pour tout le monde. Mm-hmm. Dans le fond, qui démontre l'absurdité de la guerre. Dans le fond, on se tape sur la gueule les uns sur les autres, alors qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui pourrait nous écraser à tout moment. Donc, je pense que c'est un petit peu ça, mon idée avec ces robots-là. Puis, ben, c'est le fun à dessiner aussi. Là. Je suis pas super technique. Je suis plus à l'aise dans l'organique et les personnages de caoutchouc que le métal. Mais c'est des bons défis. Là. J'aimais beaucoup les Transformers quand j'étais jeune. Fait que. Sans nécessairement m'en inspirer. C'est sûr que je vais beaucoup fouiller de ce côté-là. Puis au niveau palette de couleurs aussi, j'ai l'impression que c'est donné un certain défi avec la thématique, si on peut dire, de cet album-là. Bon, on s'est dit dans le titre, c'est les terres arides. La famille, pour résumer brièvement, dans le fond, doit aller chercher de l'eau. Au bout du compte, il n'y a plus d'eau dans cet univers-là. Et donc, nécessairement, ça veut dire qu'on se retrouve aussi avec une palette de terres desséchées, d'arbres brunis. Tout est un peu à l'article de la mort côté végétation. Oui, c'est ça. Les conifères sont rougeâtres, rouillés. Ça s'est fait naturellement un peu. Les ciels, il n'y a pas de bleu. Les ciels, tout est jaune, il fait chaud, c'est humide. C'était pour accentuer l'espèce de côté dramatique, là, j'imagine. C'est une bande dessinée humoristique, mais mm-hmm. c'est ça, mais avec des petites touches de drame à l'occasion. Je voulais qu'on sente la menace un peu partout. C'est un univers qui est pas joli, mais c'est ce qui n'empêche pas qu'en bout de ligne, ben, c'est ça, les personnages peuvent... bien rigoler et le lecteur en même temps. Là. Puis évidemment, encore là, au niveau des cases, donc certaines cases un peu plus paysagères, d'autres où, encore là, comme dans la BD classique, on se retrouve avec les personnages sur un fond blanc, un fond vert, etc., pour vraiment mettre en exergue l'action, dans le fond, ou un détail. Oui, c'est ça, les gros plans, là, une tête de personnage fâché, des fonds jaunes, des fonds verts. J'ai beaucoup pensé à Astérix, on retrouvait beaucoup ce genre de beau fond jaune banane dans Astérix. C'est évident que la bande dessinée classique franco-belge, vieille école, est à la source de mon désir de faire de la bande dessinée. Puis on me dit que ça se sent et je crois que c'est pertinent, oui. Oui, puis en fait, j'ai l'impression, en fait, au niveau jeunesse, il s'en fait pas tant que ça dans un style rétro comme nous, on lisait quand on était jeune. Si on peut dire, quand on avait 10 ans, on disait des Astérix, des Tintins, Lucky Luke, etc. Puis aujourd'hui, la BD a évolué, d'autres styles qui se sont développés. Mais c'est toujours intéressant de voir justement de quelle manière on peut intégrer ce qu'on a appris avec les autres univers et ensuite retourner à ces anciennes approches-là, puis voir un peu avec les outils d'aujourd'hui comment on peut, pas nécessairement reproduire, mais faire différemment dans un contexte un peu vieille école. Oui, absolument. Je suis un peu embêté. Je sais pas trop quoi dire Mais tu as été à là-dessus. l'instinct, dans le fond, d'une Ouais, certaine c'est façon. ça, exactement. Prochaine question, s'il vous plaît. Et dans tout ça, tu le disais tout à l'heure, en fond, il y a déjà un deuxième tome qui est en cours. Donc, au niveau de l'édition, on s'attend déjà d'emblée à une série un peu comme, je pense, en Quintin qui est sorti Gibi il y a Oui. quelque temps. Donc, où dès le départ, c'était entendu que c'était sur quelques albums. Est-ce que ça va être un peu la même chose avec Les Pieds Palmés? On le souhaite. On le On le souhaite. veut. Et évidemment, on s'est entendu sur le fait que c'est une série, c'est pas juste un album. Ah donc, oui, le deuxième est en chantier. Il faut qu'il y en ait d'autres. En tout cas, moi, je le souhaite que ça dure longtemps parce que j'ai bien du plaisir, même si c'est pas toujours évident de... Il y a beaucoup de grincements dedans en faisant de la bande dessinée, c'est pas facile. Beaucoup de recherches. Des fois, t'es buté à une case, tu sais pas trop comment tu vas t'en sortir, mais sapristi, on finit toujours par y arriver. Alors, j'espère qu'il va y en avoir pendant encore plusieurs années. Et déjà pour le deuxième, est-ce que tu t'es donné un calendrier? Il est prévu pour l'automne 2016. Donc quand même assez rapide là. Oui, quand même. Alors on a l'occasion donc de découvrir l'univers des Pieds Palmés, donc un premier tome qui s'appelle Les Terres Arides, en route vers déjà un deuxième qui est en préparation. Et même à Tordog, ça nous donnera l'occasion de refaire le point peut-être un peu sur l'évolution de la série à ce moment-là. Alors, ben, d'ici là, à la prochaine. Ben, merci beaucoup et félicitations pour votre beau programme. Merci. Alors, je le rappelle, donc, Les Pieds Palmés de Matt Hordog, c'est disponible du côté des éditions Michel Quintin. Voilà, je rappelle toujours donc sur les ondes du 89.1 CKRL, c'est un extrait de Murochka, donc toujours dans nos sélections à saveur, donc 8 bits. Et maintenant on passe à une critique d'album. En fait, je me suis donné un petit 5 minutes, si on peut dire, pour vous en parler. Et je me suis dit, je vais me limiter à un 5 minutes parce que d'emblée, je vous l'indique, c'est un sujet sur lequel j'aimerais développer longuement, très très très longuement, puisque c'est un univers qui m'intéresse particulièrement. Et je le mentionne aussi parce que ça influence le regard qu'on va avoir sur l'album, dans la mesure où on s'entend que cet album-là, je l'ai pas lu comme quelqu'un qui ne connaît pas l'univers dont il est question. Donc, je l'ai lu vraiment avec la lecture, je dirais pas de l'expert, mais presque. Alors, c'est donc André Le Géant, La vie du géant ferré, donc de Box Brown, qui a eu une traduction du côté des éditions La Pastèque, qui est sortie tout récemment. Et je dois l'avouer, en fait, je l'ai mis d'emblée sur le dessus de ma pile, justement, pour les raisons que j'ai explicitées. Très curieux de voir de quelle manière on allait réussir à rendre un peu cette existence-là sur papier. De quelle manière aussi on allait peut-être réussir à la transmettre au-delà justement du cercle des initiés qui connaissent déjà le sujet et qui auront peut-être un peu moins besoin d'être guidés au travers justement l'univers de la lutte professionnelle. Alors d'emblée, il faut le dire, André le Géant, c'est un sujet en or. Un sujet en or par le caractère du personnage. Il est plus grand que nature, autant littéralement que figurativement. Donc un géant de 7 pieds 4 dans son jeune temps qui aurait dû au fil des années et au fil de l'évolution de sa maladie, de son gigantisme jusqu'à 7 pieds. Donc un être plus grand que nature qui a eu une vie plus grande que nature aussi, voyagé de par le monde. Et c'est au fil justement de ses voyages, au fil de ses combat est devenu un mythe puisque, et on le signale d'ailleurs au bout du compte dans ce livre-là, au passage à tout le moins que l'objectif finalement de la lutte professionnelle, c'est la création de mythes vivants et le géant Ferré, André le Géant, en est un très très bel exemple. Un exemple que su d'une certaine façon s'y transcender les différentes époques et c'est ce qui rend aussi ce sujet intéressant dans la mesure où l'univers de la lutte entre les années 40, 50, 60 jusque à la fin de la carrière du géant, donc au milieu des années 1990. C'est un milieu qui s'est transformé, qui a évolué, et c'est un milieu qui, depuis, s'est complètement transformé également. Dans le contexte même d'un amateur plus moderne, si on peut dire, eh bien, c'est un regard intéressant sur les fondements de cette industrie-là, ce qui aussi a donné, entre guillemets, un mauvais nom à cette industrie-là, l'idée justement du côté plus carnavalesque de la lutte, donc les troupes ambulantes qui se déplaçaient de ville en ville pour proposer un peu des combats comme ça, des attractions justement déambulatoires, presque, dont était André le Géant. C'était un peu le phare justement de ces attractions là, dans la mesure où, d'un point de vue narratif, puisque je disais tout à l'heure, la lutte c'est la construction de mythes au bout du compte, et ben nécessairement pour construire les mythes, il faut créer des narrations, il faut créer des enjeux, il y a des vilains, il y a des gentils, tout ça étant scénarisé en partie, improvisé en partie. Et André le Géant, d'un point de vue narratif, il y a quand même pas tant qu'on peut faire avec un être qui, qu'il soit gentil ou méchant, est entièrement indestructible. Alors, nécessairement, à l'époque où la lutte était vraiment bâtie par territoire, autant du point de vue continental américain, autant du côté européen ou japonais, eh ben il y avait possibilité donc pour le lutteur de se déplacer d'une compagnie à l'autre, d'un promoteur à l'autre, pour justement être opposé à différents lutteurs locaux pendant une période donnée, et ensuite il se déplaçait les passés quelques autres mois à un autre endroit, donc de Montréal à Calgary, de Calgary à New York, jusqu'à Hokkaido, Tokyo et le reste, avec des passages un peu partout. Et donc, il y a un côté aussi itinérant, d'une certaine manière, à l'univers qui est proposé dans ce livre-là. Alors ça, c'est vraiment le contexte dans lequel on se retrouve, un contexte qui est expliqué de manière pas nécessairement détaillée, mais qui est tout de même expliqué pour contextualiser l'ensemble. Mais donc, la vision que Bugs Brown propose d'André le Géant, c'est une collection d'anecdotes. Donc, lui aussi, d'une certaine façon, tente à sa manière de bâtir, de contribuer au mythe d'André le Géant. Donc, il va nous proposer une série d'épisodes qui ont été transmis un peu la tradition orale, entre guillemets, de la lutte professionnelle. Donc, il n'y a jamais eu de livres écrits sur sa vie. Il y a eu quelques documentaires par-ci, par-là, mais autour desquels, justement, les principales sources, les principales personnes qui ont analysé, étudié ou côtoyé le géant pendant son existence, étaient amenées à témoigner, à parler, à opiner. Et ben donc à partir de cette tradition orale, donc déjà on est dans le mythe, et ben donc lui a été tiré donc certains des épisodes phares qui mettent en exergue justement les particularités de l'existence de cet homme là et donc les a rassemblés au fil donc de ce roman, de cette bande dessinée. Alors évidemment, à travers ça, on met de l'avant les défis qu'il a eu dans sa vie. C'est pas facile d'être un géant. C'était quand même une maladie. C'était quand même quelque chose qui rendait toutes ses actions complexes, qui le rendait extrêmement seul face aux yeux de l'essentiel de la population. C'est aussi un homme qui buvait énormément, qui pouvait être irascible parce que relativement ivre, mais qui demandait aussi pour être ivre des quantités astronomiques d'alcool, des caisses et des caisses de vin. C'est quelqu'un qui avait un charisme très fort, qui avait qui offrait quelque chose d'extrêmement particulier dans l'arène au-delà de sa taille et ce qui a fait son succès, parce qu'il y a eu beaucoup de géants dans la lutte, mais il y a eu seulement un André, et c'est ce je ne sais quoi-là qui a permis de le distinguer. Et évidemment, on retrouve différents moments charnières aussi du mythe du géant, donc soit son passage au Japon, son combat contre le boxeur Chuck Wepner, son combat contre Hulk Hogan à WrestleMania 3, etc., etc. Donc, différents épisodes qui ont contribué aussi à la perception moderne qu'on a de ce mythe-là. Alors, donc, une collection d'histoires... C'est peut-être là aussi la faiblesse du récit, dans la mesure où si on connaît peut-être un peu moins la vie du géant, moins un peu l'univers de la lutte professionnelle, on peut peut-être s'y perdre au fil justement des épisodes. Mais bon, voyons-le plutôt comme une étude d'un personnage plus grand que nature, et comme une étude d'un personnage plus grand que nature qui est bien réalisé dans le contexte justement de la sphère de l'univers de la bande dessinée. Alors un livre que je ne me gênerai pas pour vous recommander, mais évidemment un tant soit peu que vous soyez intéressé par justement ou curieux de l'univers lié à la lutte professionnelle. Ici Billy Wald, membre du groupe Scanja. Nous serons en spectacle au Triplex Suspendu ce samedi dès 21h. On vous attend en grand nombre. Ici Denis Lelièvre. À l'occasion du concert exceptionnel que donnera le quartet du saxophoniste Wayne Shorter à Québec, CKRL vous offre une émission spéciale relatant la carrière du musicien. Le lundi 25 mai à Midi Jazz. Vous avez prévu de faire des rénovations à la maison ou au chalet? Québec Aubaine Recycle a des milliers d'articles divers pour vous. Portes, fenêtres, chauffage, plomberie, électricité, bain, toilettes, Alouette. Il vous offre le plus grand choix et les meilleurs prix en ville. Plus besoin de chercher. Une seule adresse pour vos travaux. 1635 Henri Bourassa à Québec. Pour en savoir plus, québecaubaine avec un S.com ou 418-529-8003. Le 31e Festival international de musique actuelle de Victoriaville se tient du 14 au 17 mai 2015. Programme, Jean de Rome, Sons and Jerusalem in My Heart, D. Roof, Layback, Marc Ribot, Ceramic Dog, The Nels Klein Singers Unlimited, Magma et bien plus encore. Soyez des nôtres pour 4 jours de concert, un circuit d'installation sonore dans l'espace public et une exposition d'art visuel. Pour plus d'informations ou pour acheter des billets, visitez fimav.qc.ca. Du 14 au 17 mai 2015, venez vivre l'expérience du 31e FIMAV. Enfin, le Salon de la Passion médiévale ouvre ses portes à Québec. Si le Moyen-Âge vous fascine et que vous rêvez de vivre une aventure épique, ne manquez pas l'unique Salon de la Passion médiévale les 30 et 31 mai au Cégep Limoilou. Avec plus de 80 exposants, de la musique, des spectacles en continu, ainsi que des combats de chevaliers à couper le souffle, toute la famille y vivra un véritable voyage dans le temps. Informez-vous au salonmedievalquebec.com. Le Salon de la Passion médiévale de Québec. Venez vivre l'expérience. Ici Yves Corbeil, un petit côté dément. Ben oui, pourquoi pas. Je vous invite à écouter Démentiellement Vôtre le vendredi soir à CKRL avec Satan Guy. 89.1 Vous êtes toujours à l'antenne du 89.1 CKRL. Raymond Poirier toujours avec vous jusqu'à 18h30. Et bon, on prend une vingtaine de minutes, presque une demi-heure, là, pour jaser un brin avec l'auteur de Belge en résidence à Québec. Jean-Luc Cornette est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, peut-être d'emblée, en fait, pour vous situer un peu face à nos auditeurs, auditrices, on vous connaît surtout comme scénariste. Et je crois que vous êtes venu un peu à cette résidence québécoise avec la volonté de développer un album solo. Oui, comme scénariste, mais également comme dessinateur. Donc, un peu un retour aux sources en matière de votre travail. Là. Oui, voilà. En fait, moi, depuis tout petit, je voulais faire de la bande dessinée et je voulais être dessinateur avant tout. Donc, j'ai fait de longues études de dessin et j'ai été dessinateur. Et puis j'ai écrit mes scénarios, et puis j'ai commencé à en écrire pour des copains, et puis pour d'autres copains, et ainsi de suite. Et puis à un moment, j'ai fait plus qu'écrire, et ça fait 9 ans que j'ai plus dessiné un album. Donc là, depuis un an, ça me démange. Je me dis que je peux pas continuer là à vivre sans dessiner. Et c'était l'occasion, cette résidence qui m'était proposée. Moi, je devais soumettre un dossier pour être accepté. Et mon projet, c'était ça, c'était de dire, voilà, j'ai un certain nombre de scénarios sur lesquels je travaille. Je promets de tous les boucler avant de partir, et que j'arrive et je n'ai plus rien à écrire, et je peux, comme ça, je suis loin de chez moi, je suis isolé pendant 2 mois, et je peux me consacrer qu'au dessin. Évidemment, isolé, c'est le côté théorique de la chose, dans la mesure où les résidences, et on le voit un peu avec votre journal de voyage aussi, d'ailleurs, que vous proposez sur votre Tumblr, le défi est de trouver l'équilibre un peu, justement, entre l'exploration du territoire, les rencontres, et justement, le travail, la raison première, si on peut dire, de la venue ici. Oui, c'est vrai que je peux pas m'isoler complètement, parce que alors je pourrais le faire n'importe où. Ce serait dommage d'être dans un endroit où il y a des belles choses à voir et de ne pas les voir. Cela dit, ça fait un mois et demi là que je suis ici. J'ai mis les pieds sur les plaines d'Abraham seulement hier, parce que je me suis promené dans une autre partie de la ville, et puis j'ai bougé. J'ai été à Montréal, j'ai été à Toronto et tout ça. Mais donc il y a plein de choses, il faut s'acclimater. Moi, je devais aussi me réacclimater au dessin, donc j'ai l'occasion de travailler dans un atelier La Shop à Bulles, qui est très connu, je pense, pour les amateurs de BD à Québec, avec quatre talentueux copains maintenant. Ils sont devenus de chouettes amis. Mais j'ai mis du temps à démarrer mon projet, parce que c'était pas facile de vivre ailleurs, de me remettre à dessiner. Et là, depuis une dizaine de jours, je sens le truc et ça démarre, et là, je suis passionné par le boulot, mais j'ai perdu pas mal de temps au début. En fait, c'est que ça fait beaucoup de retours, justement, pour vous. Donc, d'un côté, comme vous disiez, l'élément géographique, l'arrivée dans un nouveau territoire, mais de l'autre côté, de reconquérir les territoires, de retrouver les habitudes, de retrouver son style, d'une certaine façon, au niveau du dessin. Voilà, oui. Surtout que je m'étais quand même, j'avais un peu débuté avant de venir. J'avais fait 3 pages et, je les recommence différemment. Donc, il y a beaucoup de recommencements et, voilà, là je commence à sentir ce que je dois faire, et ça avance et ça me repassionne comme avant. C'est un vrai plaisir. En fait, pour parler un tout petit peu de technique, je comptais dessiner simplement au crayon, et en venant ici, je me suis remis avec une plume, de l'encre de Chine et du papier. Et quand on trace à la plume sur le papier, ça crisse un peu, ça fait Et ben, c'est un bonheur de retrouver ce bruit, c'est la texture du papier, la souplesse de la plume qui en même temps a une certaine rigidité. Enfin, tout ça, c'est vraiment très chouette. Oui, puis on rentre un peu dans le débat aussi, à savoir est-ce qu'on préfère les moyens technologiques, justement la plume numérique et le reste, ou justement de retrouver le papier, le crissement, le côté organique, si on peut dire, de la création sur papier avec crayon et le reste, avec plume. Ben, disons que moi, j'ai c'est peut-être vu mon âge. Quand j'ai fait des études de dessin, il n'y avait pas d'ordinateur à l'école. Après, je me suis mis sur Mac comme tout le monde, mais je suis pas au fait des dernières technologies, donc je n'ai pas. Enfin, pour ceux qui s'y connaissent un peu, je ne travaille pas avec ce qu'on appelle une Cintiq, donc qui est la tablette sur laquelle il y a l'écran, donc on dessine directement sur l'écran. Par contre, à l'atelier, à la Shop à Bulles, il y a 2 des 4 dessinateurs qui travaillent là-dessus. Et puis, je leur pose des questions, ils m'expliquent, ils m'apprennent des choses. Et ça, j'imagine qu'il y a un plaisir là-dedans, justement, de travailler en atelier, de pas être complètement isolé, si on peut dans le travail, de pouvoir aller chercher des rétroactions, des retours, des conseils, des perspectives, etc. Oui, en même temps, au départ, en arrivant ici, je m'étais dit, je vais pas trop y aller. On me l'a proposé. Mais moi, quand j'écris, je dois être seul. Et vu que ça fait des années que je ne fais qu'écrire, je travaille chez moi tout seul et je ne vois personne de la journée parce que je ne peux pas discuter, on ne peut pas parler, alors qu'en dessinant, on peut parler. Mmh. Voilà, donc maintenant, je vais à cet atelier. J'étais d'abord méfiant, pas des autres dessinateurs, mais méfiant par rapport à moi de m'intégrer dans un groupe alors que j'ai l'habitude de travailler seul. Et en fait, c'est un vrai plaisir. Donc maintenant, mon matériel est là. Ils ont eu la gentillesse de me mettre une table dans un coin, enfin le plus beau coin en plus, avec la vue sur toute la vallée ici. Donc je vois la radio depuis la fenêtre. Et donc voilà, ça marche. Mais pour moi, c'est des redécouvertes. Et parce qu'en termes de scénariste, vous avez, j'ai l'impression, je regardais un peu ce que vous aviez fait, et j'ai l'impression que vous êtes, en fait, je peux pas vous qualifier d'autre chose que touche à tout. Vous avez donné beaucoup de séries autour de beaucoup de genres, humour, érotisme, fiction historique, documents historiques, policiers, horreurs, etc., etc. Un plaisir comme scénariste, on peut dire, d'explorer cette panoplie de genres-là. Oui, en fait, c'est... Comme j'ai déjà dit cette formule, que j'étais spécialiste en rien, mais je m'intéresse à tout. Voilà, j'arrive pas à me coincer longtemps dans quelque chose. Je dois être un des derniers au monde à ne pas m'intéresser aux séries télévisées, parce qu'il faut rester trop longtemps devant une série. Moi, je regarde toujours que des films. Je regarde pas les séries, ça m'ennuie vite, même les très bonnes. Je regarde 2, 3, 4 épisodes, j'ai pas envie de voir le cinquième, j'ai envie de passer à autre chose. Mmh. Et donc, je me comparais avec, quand même avec modestie, mais à des cinéastes comme en France Patrice Lecomte, ou aux États-Unis Steven Soderbergh, qui à chaque film explore autre chose. Oui, autant narrativement que stylistiquement. Là, c'est... Oui. Enfin, après, ceux qui me lisent, qui lisent tous mes livres, trouvent des liens, une façon d'appréhender les personnages, parce que c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est de parler des gens, une façon de dialoguer. Moi, j'aime beaucoup le dialogue. Voilà, je pense qu'il y a des liens, même entre une BD humoristique pour enfants et une pour adultes, ou une BD plus historique. J'ai une manière de structurer les récits, peut-être aussi je pense que vu de l'extérieur, on doit trouver les liens. Mais j'aime bien être un peu éclectique. Et en même temps, dans ce contexte-là, évidemment, l'investissement de temps pour écrire un scénario versus dessiner une BD, pas le même. On a une relation beaucoup plus longue avec un récit quand on le dessine, d'une certaine manière. Est-ce que justement, il y a un genre à un moment donné qui s'est imposé pour cette relation plus longue, plus prolongée avec avec un univers? Ben, c'est un des problèmes qui se posent, parce que moi, maintenant, j'ai pris l'habitude d'écrire plusieurs scénarios par an, donc de publier plusieurs livres par an. Et là, je me lance dans une bande dessinée de 100 pages dessinées. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, mais ça va être très long. Et pendant ce temps-là, je ne ferai qu'une seule BD. Mmh. Donc, je pense que je vais emmagasiner des idées, et quand j'aurai fini, je vais me remettre à faire du scénario le plus possible, parce que j'ai besoin d'écrire. En plus, là, je viens de publier aussi mon premier roman, donc je m'étais lancé de plus en plus dans l'écriture. Et enfin voilà, ça c'est mes problèmes existentiels. Hein. Tous les 3 mois, j'ai envie de faire autre chose, d'aller dans une autre direction. Et j'aime écrire, j'aime inventer des histoires. Et je me sens plus visuel que littéraire. Donc je dois m'arranger avec ça. Oui, en fait, la scénarisation de bande dessinée offrait d'une certaine façon un entre-deux entre la prose et le dessin qui comblait un peu ce besoin-là jusqu'à un certain point, parce que le désir de dessiner restait présent. Oui, enfin le désir, et en même temps le désir de ne plus dessiner, parce que j'avais aussi le problème de ne plus être content de ce que je faisais. Mm-hmm. Plus je travaillais, peut-être aussi plus je devenais bon, je pense, à force de travailler, moins j'aimais ce que je faisais. Je gommais, je recommençais, je gommais, et je dois arriver à passer au-dessus de ça, à me dire un moment, c'est bon, je dois passer à la page suivante, au dessin suivant, Et ce que j'essaye de faire maintenant. Enfin, maintenant, je suis obligé. Je ne vais pas faire marche arrière. Donc, il faut que je trouve la solution pour faire mes 100 pages. Oui, et j'imagine que si on avait cette entrevue-là à la page 50 versus au début ou à la toute fin, ben, oui, probablement que le regard ou la réflexion serait différente parce que, au bout du compte, vous allez replonger peut-être aussi dans cette dynamique-là au fil des pages, peut-être retrouver aussi votre dynamique de dessinateur, si on peut dire. Oui, enfin, je verrai comment ça se passe. Moi, tout ce que je veux, c'est d'essayer d'être serein en travaillant. Et c'est parfois une souffrance. Enfin, moi, c'était devenu une souffrance de dessiner. Et puis maintenant, là, depuis un an, c'était une souffrance de ne plus dessiner. Donc, mais je suis jamais content. Hein. C'est la même chose avec le voyage. Quand je vais quelque part, à un moment j'ai envie de rentrer chez moi et je suis chez moi depuis 2 jours, j'ai envie de repartir, donc ouais, c'est comme ça, je suis peut-être pas un mec très stable. Mais ça vous amène aussi à vous lancer des défis, notamment en fait, j'avais vu que dans votre travail de scénariste, vous avez fait une histoire muette, Zilli, et que d'un point de vue scénarisation, ça avait été aussi un défi assez particulier. Donc, vous disiez tout à l'heure, vous étiez très très proche, vous aimez beaucoup les dialogues, et donc là, de se dire, OK, on scénarise une BD avec pas de dialogue, ben ça devait être un défi aussi que vous vous lanciez. Oui, évidemment, c'est quelque chose que je voulais faire parce que le Zilli, c'est une sorte de conte, je vais dire apocalyptique. C'est une bande dessinée extrêmement violente et avec le Jurg qui est le dessinateur avec qui j'ai fait cette bande dessinée. Voilà, je voulais que les émotions passent sans le texte pour une fois. Et vu que c'est très violent, je ne veux pas raconter toute l'histoire, mais le personnage qui s'appelle Zi, qui est une sorte de petite créature entre un enfant, un extraterrestre, un petit animal, on ne sait pas trop, prend beaucoup, en fait, prend toute la violence du monde dans la gueule. Et donc, il reçoit des coups. Et je voulais faire une bande dessinée au premier degré. Je peux très bien faire des choses, j'ai fait pas mal de BD d'humour où il y a beaucoup de second degré, où il y a beaucoup de dérision. Là, je voulais que ça soit premier degré, c'est-à-dire que je voulais que si le personnage prend un coup de poing, on rit pas, on a mal comme lui. C'était à ça que je voulais arriver. Enfin, je pense qu'on y arrivait surtout avec l'aide de Jurg qui a fait un travail de dessin remarquable. Mais voilà, c'est ce que je voulais. Cette bande dessinée, c'était pour montrer que la violence, ben, dans ce cadre-là, en tous les cas, ben, ça fait mal. Et il fallait qu'on ressente ce que ressent le personnage. Donc c'est à partir de ça qu'on a pensé à le faire sans texte. Il fallait juste que le visuel apporte l'émotion. Et c'est un peu ce dans quoi je me lance maintenant, aussi comme dessinateur, parce que ce que je vais faire, c'est une adaptation de roman. Là, je vais peut-être pas encore dire quel roman c'est, parce que c'est pas encore signé. Et justement, mon projet ici à Québec, c'est de faire suffisamment de pages pour faire un dossier, pour présenter aux ayants droit, pour voir si on peut avoir les droits d'adaptation. Donc, tant que j'ai pas les droits d'adaptation, je vais pas crier sur tous les toits quel roman c'est, mais c'est un très grand roman d'un très grand écrivain décédé. Et c'est un roman, je dirais, plutôt d'ordre social, entre une fable et un roman social. Et ce sont des personnages qui parlent peu aussi. Et je me suis dit, je vais pas m'imposer, ça sert à rien que je m'impose là-dessus, le fait de ne pas mettre de bulles du tout. Mais là aussi, où il n'y a pas besoin de texte, je n'en mettrai pas. Et ça, c'est mon travail de scénariste adaptateur. C'est que, vu que c'est un très grand roman d'un très grand romancier qui écrit très bien, si j'avais pris un de ses romans, il en a écrit d'autres qui sont très dialogués, moi, j'ai plus de travail, j'ai plus qu'à recopier ses dialogues parce qu'ils sont bien. Mmh. Donc, le travail d'adaptateur, finalement, c'est un travail de répétiteur. Ce qui m'intéresse dans ce roman-ci, c'est le fait qu'il ait peu dialogué et que, de nouveau, avec les images, avec la mise en scène, avec la composition de la page, la composition des cases, les visages que je vais dessiner, les mouvements, les regards, je dois faire passer les émotions qui sont dans le texte. Mmh. Donc, de jouer un peu avec ce niveau-là, de trouver une manière de bien mettre en scène, de bien porter cette parole-là, puis de réussir à bien l'amener, à trouver le bon contexte, la bonne manière, etc. Il y a quand même beaucoup de pression aussi dans la mesure où on se dit, ben OK, il faut que je réussisse, pas nécessairement que je frappe un coup de circuit, mais que je frappe un coup sûr avec les premières pages suffisamment pour pouvoir justement avoir le droit de finir la balance, de faire les... Oui, oui, ben ça, il faut que mon dossier avec les pages... et de la gueule, mais après je ressens pas de pression. La pression, elle est pas face aux autres, elle est juste face à moi. C'est moi qui, voilà, mon défi, c'est de me remettre donc à dessiner, de pas traîner 5 ans sur le bouquin et de pas souffrir en le faisant. Mais je pense que j'ai aussi, c'est pas du tout prétentieux ce que je dis, mais suffisamment de métiers et d'années derrière moi pour ne pas commencer à me dire je vais avoir peur de ce que vont penser les gens ou des choses comme ça. Je pense que si j'arrive à me faire plaisir, je ferai plaisir au lecteur et voilà, là, j'ai pas de stress par rapport à ça. Et j'ai l'impression, d'une certaine façon, d'un point de vue scénario, d'un point de vue histoire, si je fais un parallèle avec Frida Kahlo, notamment qui est une de vos BD scénarisées, donc qui est sortie récemment, l'adaptation, d'une certaine façon, la scénarisation, c'est une histoire de choix. Et dans le cas de Frida, on a une vie quand même assez palpitante. Et vous avez fait le choix de dire, de cette vie-là, je vais aller chercher 4 années. Et c'est ces 4 années-là que je vais raconter parce que elles sont portées au point de vue scénario, parce qu'elle représente quelque chose, parce qu'elle m'intéresse. Et de ces 4 années-là, je vais mettre peut-être un peu plus l'emphase justement sur le côté politique, sur le côté militant de ce personnage-là, d'une certaine façon. Oui, disons que là, la volonté de faire cette BD, c'est la dernière donc qui est parue au mois de février dernier, mais... qui est apparemment à Québec depuis 3 jours, donc ici elle vient de paraître. Et ma première volonté, c'était de travailler avec Flore Balthazar. On voulait travailler ensemble, donc qui est la dessinatrice, et on n'avait pas un sujet précis, donc on parlait, on discutait, on cherchait un sujet. Le jour où on a parlé de Frida Kahlo, on s'est arrêté, on s'est dit on a chacun dans notre histoire personnelle un très très petit lien avec Frida Kahlo, mais voilà, elle avait lu son journal, moi j'avais été 2 fois à Mexico, j'avais déjà vu des toiles, il y avait une expo à Bruxelles que j'avais vu aussi, et donc on est parti là-dessus, et là j'ai commencé à me documenter mieux et me documenter beaucoup. Donc j'ai lu beaucoup de livres, j'ai regardé beaucoup de ses toiles, enfin tout ça, et je me suis rendu compte qu'il y avait 1000 fois trop pour faire une bande dessinée. Déjà, elle fait 120 pages. C'est une grosse bande dessinée. Mais je me dis, j'ai pas envie de faire ce qu'on appelle dans le milieu de la BD un oncle Paul, c'est-à-dire comme dans les oncles Paul, c'était dans Spirou dans les années 50, des histoires en 4 pages qui racontaient toute la vie d'une personnalité historique. Pratiquement didactique. Oui, voilà, telle année il a fait ça, telle année il a fait ça. Et donc, c'était pas le but. Moi, je voulais quand même raconter ça comme une fiction, c'est-à-dire... de nouveau être proche des personnages. Et c'est là que je me suis dit, mais oui, entre 1937 et 1940, il se passe beaucoup de choses dans sa vie, et je peux trouver un début et une fin, une structure au récit. Simplement, le début, c'est l'arrivée de Léon Trotsky au Mexique, donc qui est en fuite parce que Staline veut sa peau et que plus aucun pays au monde ne veut accueillir Trotsky, sauf le Mexique. Et ça s'arrête à l'assassinat de Trotsky. Enfin, plus ou moins, j'ai un petit peu débordé parce qu'entre-temps, Frida et Diego Rivera, son mari peintre, ont divorcé et se remarient. Et donc, il y a beaucoup de choses. Et puis, la chose la plus importante, parce que c'est quand même le personnage de Frida Kahlo qui nous intéressait, c'est le fait que c'est le moment où elle n'est plus peintre... peintre à la maison, derrière son mari qui est déjà une star de la peinture mondiale, mais qu'elle devient connue, qu'elle expose. Elle expose à Mexico, à New York, à Paris, et elle devient connue, et elle s'assume comme femme peintre. Ce qui d'ailleurs a été très rare. Enfin, l'histoire n'a pas laissé beaucoup de place aux femmes, entre autres dans les arts. Et d'ailleurs, maintenant que je vois, quand je vais en séance de dédicace, pour ce livre-là, on a un public très féminin et la plupart des lectrices nous disent c'est ma peintre préférée. Mais en même temps, je ne suis pas certain qu'elle puisse citer beaucoup de peintres du XXe siècle, en tous les cas du début du XXe siècle, et encore moins des siècles précédents, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de peintres femmes qui ont eu l'occasion de faire carrière, en fait, et donc de devenir connues. Et Frida Kahlo, elle n'a pas accepté ce monde d'hommes. Le jour où elle a décidé d'être peintre... peu importe qu'elle soit une femme, elle disait en plaisantant qu'elle serait la meilleure peintre du monde. Et quelque part, elle l'est devenue. En tous les cas, elle est peut-être la peintre la plus connue au monde. Donc, elle se l'est autorisée, elle se l'est permis et elle a réussi ça. Donc, c'est un personnage. Enfin, là, si on parle, il faudra plus de 20 minutes pour parler, parce que je peux en parler pendant des jours et des jours de Frida Kahlo. Je viens de passer 2 ans avec elle, donc. Oui, en fait, voilà. J'étais justement en train de me dire que j'aurais dû prévoir 1 heure plutôt qu'une demi-heure. Il y a des choix comme ça qu'on regrette en cours de route. Et d'une certaine façon, Jean-Luc Cornette, c'est l'idée justement de bien se positionner face au récit, justement, d'aller extraire de l'idée originale, de l'idée de départ, qu'elle soit historique ou non, d'aller extraire le bon moment, d'aller trouver le bon axe d'interprétation. Et donc c'est un instinct qu'on développe aussi comme scénariste d'une certaine façon, de pouvoir aussi, j'imagine, aussi bien amener le dessinateur à pouvoir camper lui son univers en lien avec ce que vous lui proposez. Oui, enfin tout ça c'est un peu abstrait, c'est instinctif. J'ai pas une manière de faire ou une manière de réfléchir les choses, mais comme je disais, je suis un peu intéressé partout. Bon, c'est vrai que depuis quelque temps, je m'intéresse plus à des sujets plus historiques, ce que je ne faisais pas dans les années précédentes. Et puis j'entends parler de tel personnage. J'ai pas une très grande connaissance de l'histoire, donc je peux tomber sur un fait historique et d'être tout à fait naïf devant, en me disant ouais, c'est formidable, j'ai envie d'en parler. Je vais voir sur Internet, je vais voir sur Wikipédia, je lis des choses et ça peut me donner une idée de départ. Et voilà. Après oui, c'est peut-être un peu de métier qui fait qu'on sait quand même ce qu'il vaut mieux extraire de cette histoire, après comment le structurer, comment raconter des faits comme dans Frida Kahlo, qui sont tous totalement exacts, vérifiés, recoupés par plusieurs sources, et quand même en faire une sorte de fiction, c'est-à-dire qu'il y a de l'invention. Déjà, la plupart des dialogues, c'est moi qui les invente. On n'a pas enregistré toutes les conversations de tout le monde, donc il faut recréer ces choses-là. Donc là, il y a la part du scénariste, mais qui reste lié à l'histoire. Alors que parallèlement à ça, je co-scénarise avec Jerry Friesen les aventures de Gene, qui est une bande dessinée pour ceux qui connaissent, qui était scénarisée avant par Jacques Martin, donc le créateur d'Alix. Et donc là, on est au 15e siècle, normalement en France, mais les deux premiers qu'on a scénarisés se passent dans les Balkans et en Roumanie. Et là, le fait historique est le contexte. Après, là, il y a vraiment une fiction. D'ailleurs, le personnage de Gene n'existant pas, en réalité, il faut créer une fiction, mais dans un contexte historique. Donc là, le jeu avec l'histoire est différent. Alors, ben, on va être obligé d'arrêter ça là. Oui. j'ai comme envie de vous dire, est-ce que vous allez revenir au Québec? Je ne sais pas si je vais revenir, mais je peux revenir ici. J'ai décidé de prolonger déjà d'un mois, donc je reste. Au lieu de partir fin mai, je pars fin juin. Donc voilà. Par contre, juste si on peut. Oui, on fait le 21 mai au Pub Saint-Alexandre, séance de dédicace autour de Frida. Le public aura l'occasion peut-être de poursuivre justement cet entretien qu'on a débuté, de le poursuivre en face à face avec vous et d'aller vous rencontrer. À partir de 16h30, le jeudi 21. Voilà. Mais Jean-Luc Cornette, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et au plaisir peut-être. Oui. Alors ben voilà, nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro et on se dit à la semaine prochaine.